me détendre, j'pose à côté de moi, y'a le pompe. Parano mon frère, c'est normal, vais tout ce qu'on me raconte. J'rode, j'hésite, un fils de Wins, il faut pas que j'me trompe. J'traîne plus vers la zone car j'sais plus qui est qui. Tout ce temps j'pensais que t'étais mon assos. Soit j'te vois, t'es bizarre, envie de prendre ta tête à coups de crosse. J'vous aime les frères, même si j'parle plus trop avec vous. J't'ai obligé, trop de jalousie, ça m'a rendu fou. J'aimerais avoir un bateau, faire le tour du monde en bateau. Mon pétard et mon chapeau, soleil qui frappe sur la peau. J'ai trop tourné dans la zone, je connais tout le monde, ils me connaissent. Quand je suis pas là, je marronne, restez moi-même, j'ai fait la promesse. Et l'équipe, ils m'ont saoulé, veulent me faire bouger avec ma clique. On m'a dit que t'as coulé, que t'as même dit où j'habite. Je me lève, je vis, je traîne, je me saoule. Et si je meurs, petit, c'est rien, on se retrouve. J'ai plein de doutes, j'hésite. J'observe, pour toi je crains le ferme. Mais si t'as bavé, faut que tu goûtes. Aujourd'hui j'écris, je m'en fous que je brille. M'en fous de tes potes qui m'aiment pas, moi aussi je les aime pas. Je les vois, je ris. L'ovni en chair et en or, la rue c'est un goût amer. Et je l'ai plus vu que ma mère. Et j'ai la mort, tous ces morts. Sache que je t'aime mis à mode. Le rap m'a mis les menottes. Et des fois je suis sur les nerfs. Je vais prendre un morceau au nord. J'suis pas calibré, donc me faites pas les vrais. J'suis pas calibré, donc me faites pas les vrais. N'oublie jamais ceux qui t'aident, les bons qui t'ont fait que des passes. Ne sois jamais jaloux ton pote, même quand il te dépasse. Quand j'connais la rue, j'ai grandi dedans. Et y'a des potos qui ont perdu toutes les dents. Toutes les dents, ah toutes les dents. Ah oui, toutes les dents, oh ouais, toutes les dents. J'me lève, je vis, je traîne, je me saoule. Et si je meurs, petit, c'est rien, on se retrouve. J'ai plein de doutes, j'hésite, j'observe. Pour toi, je crains le ferme. Mais si t'as bavé, faut que tu goûtes.